Jimé, Cheb Tarek. Un jour, Inch'Allah, je verrai le bout du tunnel. La gloire à l'horizon être la fierté de mon doublé. Réussir ma vie avant de partir pour l'Algérie, mon pays. Ma nation ici, même un galère depuis des années. Manque d'oseille rime forcément avec manque de salaire. Venu en France pour faire de l'oseille. Au final, on se retrouve tous à cultiver les problèmes. Menotté par l'état, nos rêves. Faut prendre la fit, et de l'avant que la tête s'explose. En guerre avec la justice, parce que la justice, elle, sur les miens, pratique l'injustice. Justice, je me dois de sortir de la haisse par mes propres moyens. Un seul échappatoire car j'y vois pas d'autres moyens. 22 piges de trim pour accomplir mes rêves. J'attendrai pas le signal des feux de détresse. غير كونك فحل وربي يسالي لا بغيت تربح كونك راجل خمم العقوبة كونك عاقل خدمة والسير بيهم توصل غير كونك فحل وربي يسالي في الديبار لا في السيدير وفي تخوفي لا فاي دوز لابيرينت لو سابو لا ايوخ تجير مالكري البوا دي سوسي relativiste toujours en disant Inch'Allah ce coup-ci parfois à deux pas du désespoir je résiste encore l'espoir n'est pas mort tu sais qu'il existe encore des rêves plein la tête dans une vie compliquée je lâche rien pour ma famille je continue à m'appliquer.